passerai mon temps à voler si tu me donnais des ailes. Man, la vie est courte, donc moi je la fais tourner au diesel. Comme seul repère, une clé de sol. Mélomane, elle me console. Quand je plonge dans le noir, il n'y a qu'elle qui me sauve. Mon regard plongé dans tes yeux, parce que depuis peu tu m'enivres. Je ne peux plus me passer de toi comme la bouteille du clodo ivre. Quand j'écris, je suis transporté par la passion. Je navigue dans mes souvenirs et je repense à tous ces bons moments que nous passions. Je prends le large, obligé de quitter le rivage. Alors je pense à toi pour donner des couleurs à mon visage. Plus le temps passe et plus je m'attache. Être loin de toi me fâche. Plus je m'éloigne et plus mes sentiments s'arrachent. L'attente est longue depuis que les heures défilent lentement. Je fais couler l'encre pour passer le temps. Mais que vais-je dire quand tu seras dans mes bras? Aucun mot, car mes sentiments n'ont pas de voix. Mes souvenirs font surface et raconter ce qui nous rapproche quand le temps est compté. L'amour que mes proches me donnent vaut de l'or. Alors je me suis mis à épargner pour m'en mettre plein les poches pour soigner mes plaies. Quand la vie m'écorche, si jamais le décor devient sombre, sers-toi de tes proches pour qu'ils le colorent. Séparé par la mer, la distance a un goût amer. Je traverserai les océans, la nage pour ma mère. Envahi par les flammes, tu as su garder ton sang froid. Sain et sauf, t'en suis redevable sans foi. Papa, ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Autant que tu l'as été pour moi, pour que j'aie toi. J'encaisserai les difficultés, les coups bas. Je lève ma garde pour rester debout durant tout le combat. Je compte pas le nombre de fois où j'ai pu compter sur vous. J'ai pu me relever quand j'étais à genoux. Mon avenir je le construis, bagage sur des rails. Maman je pars de la maison, faut pas que tu dérailles. La distance nous sépare mais ce n'est qu'un détail. Je pense pas que la grandeur de mes sentiments est de taille. Mais que vais-je dire quand vous serez dans mes bras? Aucun mot, car mes sentiments n'ont pas de voix. Mes souvenirs font surface et raconter ce qui nous rapproche quand le temps est compté. L'amour que mes proches me donnent vaut de l'or. Alors je me suis mis à épargner pour m'en mettre plein les poches pour soigner mes plaies. Quand la vie m'écorche, si jamais le décor devient sombre, sers-toi de tes proches pour qu'ils le colorent. Mes souvenirs font surface et raconter ce qui nous rapproche quand le temps est compté. L'amour que mes proches me donnent vaut de l'or. Alors je me suis mis à épargner pour m'en mettre plein les poches pour soigner mes plaies. Quand la vie m'écorche, si jamais le décor devient sombre, sers-toi de tes proches pour qu'ils le colorent. Mes souvenirs font surface et raconter ce qui nous rapproche quand le temps est compté. L'amour que mes proches me donnent.